C'était le bootcamp en fin de semaine au centre de ski de Domeski. C'était la deuxième édition et pour faire le bilan, on a vu ça sur les médias sociaux. 1200 participants étaient réunis à la Domeski. On va parler avec celui qui est en la charge, Richard Belleau. Salut Richard. Salut Danny. Richard, est-ce que dans l'ensemble, ça a été quand même une activité quand même très très intéressante? Très intéressant, c'est le mot est faible. On est ultra content de ce que nous avons accompli en fin de semaine. OK. Qu'est-ce que je disais dans le quotidien aujourd'hui que vous aviez changé le parcours, c'est ça? Oui, le parcours était différent de l'année passée. OK. On avait des obstacles différents. On avait aussi des endroits où on avait rajouté des bivites. Là, je peux le dire maintenant, c'était... On avait une mare à vers de terre. Nous avions 2000 vers de terre dans un obstacle. OK. C'est un parcours que nous voulions avoir des photos que les gens arrivent fouettés. OK. Et on a rajouté de la boue, de la glaise, encore plus qu'à l'an passé. OK. Donc, j'imagine que c'est les gens ont beaucoup de plaisir, là, dans le fond, là. Les gens ont énormément de plaisir. Si vous juste de regarder les photos, quand les gens montent une côte, c'est pas le fun à monter. C'est dur aux jambes, ça brûle. Puis les gens le font avec le sourire parce que ils sont heureux, ils retombent en jeunesse, puis ils aiment ça. OK. Dis-moi, des 1200 personnes qui étaient réunies, est-ce qu'il y avait de nouvelles épreuves comparativement à l'année passée? Est-ce qu'il y avait changé un peu? Parce que là, le parcours a été changé. Mais là, est-ce qu'il y avait des nouvelles épreuves également? Oui, il y avait des nouvelles épreuves. Nous avions au moins le tiers de nos épreuves qui étaient nouveaux de l'an passé. Plus dur ou indifférente? C'était pas mal comme l'an passé. Non? Plus dur, plus fun... On a eu plein de commentaires qui étaient différents, mais qui étaient très positifs. OK. Donc, c'est quand même intéressant. Dis-moi, ça venait de où, ces 1200 personnes-là? 30% venaient de Dolbeau-Mistassini. OK. Ça veut dire entre 300 et 400 participants. Ah, c'est bon. OK. Et le reste venait de l'extérieur. OK. On a eu du monde de Chibougamau, on a eu du monde du Saguenay. On a eu du monde de Québec qui était là. Ça venait d'un peu partout. OK. Dis-moi, bootcamp, parce qu'il faut savoir là, que ça se fait un peu partout, du bootcamp. Là, c'est un genre d'événement. Tu me corriges, je me trompe, mais c'est une genre de compagnie où que les gens, le mot bootcamp, où vous achetez un petit peu la licence, c'est ça? Et vous pouvez pas vraiment... Est-ce que vous avez un contrôle sur les événements où c'est vraiment l'organisation du bootcamp qui vous dit « Vous pouvez changer ça, vous pouvez changer ça, vous pouvez changer ça? » Nous avons bootcamp... Le bootcamp est un style d'entraînement militaire. OK. Nous, on fait affaire avec la compagnie Just Run. OK. Elle fait du bootcamp race. Elle fait 5 bootcamp race à travers le Québec. OK. Donc, nous avons 100% du contrôle de ce qui se passe sur notre terrain. OK. Donc... C'est vraiment un partenaire qui est avec nous. Nous faisons le parcours, nous faisons nos obstacles. Eux arrivent avec des obstacles, bien sûr. Ouais. Mais ils nous aident. Là. Eux, ils font 5 bootcamp race, ils font des prison break, ils font des d'autres courses de plein. Ils font 40 courses par année. Okay. Et, on se sert de la plateforme pour apporter du monde à Domeski, mais on a 100% du contrôle de ce qui se passe sur notre terrain. OK. Dis-moi, au niveau financement, puisque l'année passée, ça avait servi beaucoup de financement à la Domeski et également au club d'haltérophilie, j'imagine que c'est encore la même affaire. Combien d'argent vous avez été ramassé pour les deux organismes? L'an passé, parce que les chiffres, on n'a pas encore terminé pour ouais. cette année. Je te transmettrai les résultats lorsque nous allons les avoir final. L'an passé, nous avons fait 11 000 $ de profit pour qui est redistribué distribué. Net, ça là. Ça, c'est net, ça là. C'est net. C'est 11 000 $ Okay. On a remis 3 500 $ Nous, ben, le club de Tirofir a remis 3 500 $ à Domiski. Et pour nous, ça nous a fait 7 500 $ 7 500 $ OK. Puis j'imagine qu'il y a des factures qui vont rentrer encore. Il y a toutes sortes d'affaires qui vont se passer. Le résultat de 2017 de notre première édition. OK. OK. Et là, pour la deuxième édition, je n'ai pas encore les chiffres finaux. OK. Dis-moi, Richard, est-ce que ça va. Évidemment, ça va revenir l'an prochain, c'est sûr et certain. Là. Dis-moi, est-ce que là, sur quoi vous allez travailler? J'imagine qu'il va y avoir d'autres épreuves, j'imagine aussi. Peut-être pousser ça aussi? Oui, d'autres épreuves. Notre comité est déjà en train de brainstormer pour des épreuves que nous allons faire la confection au mois d'octobre. Ce qu'on va beaucoup travailler, c'est on est en train de travailler ça avec les organismes qui organisent des gros événements dans notre Maria Chapdelaine. C'est d'avoir de se trouver une fin de semaine à nous puis d'être exclusif à cette fin de semaine-là. OK. Juste à titre d'exemple, en fin de semaine, il y avait le festival à Saint-Jean d'Arc. Ouais. Il y avait l'étoilement du parvis des Bleuets. Il y avait un gala le soir. On est une belle région, une petite région, mais il ne faudrait pas se mettre 3, 4, 5 activités dans une même fin de semaine pour ne pas se nuire entre nous l'autre. C'est le plus gros défi, je pense, que nous avons, c'est ça présentement. Ben, c'est ça, mais tu sais, en même temps, il fait de plus en plus froid, hein, c'est en mai, fait que tu sais, auparavant, le mois de mai, c'était beau, donc il aurait pu avoir... vraiment là, quelque chose, mais là, c'est rendu qu'il fait plus froid en mai. Fait que, tu sais, pas avant le mois de juin, c'est ça. Puis il y a des activités tout le temps. Là. Bref, ça va être quand même difficile là, de tout faire ça. On va surveiller ça de très très près. Ça va être pas mal de fun. Richard, il me reste qu'à te féliciter encore une fois pour toi et ton organisation. Et au plaisir de se reparler. Puis gêne-toi pas. C'est sûr que j'ai pas montré de l'intérêt cette année. C'est pas parce qu'il y en avait pas. Je l'ai expliqué ce matin. Puis au plaisir de se reparler. Il n'y a aucun problème. Puis je voudrais remercier mes bénévoles. J'avais 110 bénévoles hier sur mon terrain. C'était incroyable. Les participants aiment mes bénévoles. On aime travailler avec nos bénévoles. Sans bénévoles, la course n'est pas là. Ben non. Gros chapeau à mes bénévoles. OK, ben c'est sûr. Là. Ben on se reparle bientôt. Parfait, merci. Richard Bellot, qui est l'organisateur du bootcamp.